gitmedi. İyi mi Nestu? Ya tamam ben gittim. Ben sizden alayım. Nicht mehr zufällig. Ja, das gesunde Ding. Au camp de Cousin. Tous les affaires de construction, même la carrière m'a causé. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là,